line, yala lay line, yala line, no line, no no line, mala mala line. Jojo descend pour la batoie, il joue un épi, mange victoire, yo point de décollage, tombe y'a canala. Jojo descend pour la patroie, il joue un épi, mange victoire, yo point de décollage. Maman, tombe y'a canala. Tombe levé, jamais chiré, tête en pété, tombe y'a canala. Tombe levé, tête en pété, jamais chiré, tombe y'a canala. Jojo descend pour la batoie, il joue un épi, mange victoire, yo point de décollage, maman, tombe y'a canala. Jojo descend pour la batoie, il joue un épi, mange victoire, yo point de décollage, maman, tombe en canala. Tombe levé, des jambes pétées, marché à coupé, tombe y'a canala. Tombe levé, des jambes pétées, même sur tribiche, tombe y'a canala. Tombe en canala, tombe levé, tête en pété, même si on trifiche, tombe en canala, tombe en canala, tombe en canala, tombe en canala, tombe en canala, tombe en canala, tombe en canala.